Non-stop Blockbuster. Merci Blockbuster pour cet épisode sur Rihanna. C'était vraiment très chouette d'écouter ça. Merci pour votre émission et tous vos thèmes. Avec vous, ma mère a découvert que Xena, comme sa fille, n'était pas forcément juste hétérosexuelle. Moi, j'ai pu découvrir Mylène Farmer, que je connaissais pas du tout. Et puis, avec ma mère, on a beaucoup ri et beaucoup aimé votre épisode sur Dirty Dancing. Voilà, merci d'apporter cette petite culture pop, cette petite bulle de culture pop dans l'été sur France Inter. Des bisous à toute l'équipe et merci pour votre super travail. Bye! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Rihanna, Rihanna, wouh! Salut Fred. Alors, je viens de recevoir le graphic novel X-Men du trait L'homme détruit. Je viens de recevoir également mon coffret des mystérieuses cédés d'or. Donc, j'ai mis la facture à ton nom. Dis-moi juste comment je fais pour te la faire parvenir. Voilà, à plus. Bonjour, je m'appelle Anne et j'habite à Saintes. C'est un message pour Frédéric Sigrist. Cher Frédéric Sigrist, j'adore l'émission Blockbuster. Contrairement à la dame qui avait appelé l'autre jour, votre émission, c'est celle que j'écoute spontanément parce qu'elle me réveille. Effectivement, cet été, on a vraiment énormément de rediffusions. On a l'impression que tout le monde est parti en vacances à France Inter. Alors vous, vous êtes là. Ça fait vachement plaisir. Et votre émission, même si ça parle de trucs que j'ai pas vu ou que j'ai pas entendu, moi, je suis vachement contente parce que vraiment, vous, vous êtes vivant. Allez, bonne journée. À bientôt. Au revoir. In my umbrella, ella, ella, Salut Blockbuster, je vois que l'émission d'aujourd'hui, c'est sur Animal Crossing. Et franchement, je suis hyper contente, j'ai hâte de cette émission, parce que moi, j'y joue pas. C'est un truc que je comprends pas. Par contre, c'est le truc qui fait lever toutes mes copines le dimanche matin pour aller à la foire aux navets. La foire aux navets? Voilà, j'ai hâte que vous m'appreniez plus sur tout ça. Et puis, à tout à l'heure. To be or not to be, not to be. Je vais vous avouer un truc, j'aime pas me promener en plein air. Une balade en forêt, je vis ça comme un fan d'heavy metal à un concert de Queen's United. Je hais l'idée même du pique-nique. La glacière, c'est la boîte de Pandore. Installer une nappe, devoir me mettre assis dans l'herbe sans savoir ce que je dois faire de mes jambes trop longues, écailler un œuf dur et sortir une tranche de jambon trop chaud pour la mettre dans un morceau de pain trop sec à cause du soleil, tout en chassant les mouches que ça va forcément attirer, voir une colonie de fourmis attaquer le melon qui va goûter dans mon assiette en carton, boire un verre de vin dans un gobelet en plastique ou une bière tiède à même le goulot, attendre 2 minutes pour que le seul couteau qu'on a pensé à prendre revienne vers toi avec des morceaux de pâté qu'on a mélangé à la plaquette de beurre, c'est trop pour moi. Appelez ça du snobisme, ce que vous voulez, mais moi j'assume. Un repas, c'est une table et des chaises. Alors je sais, c'est un étage de richesse indécent, mais même l'idée de l'apéro dînatoire m'est insupportable. Rendez-vous compte, être invité chez des gens pour se retrouver à manger des morceaux de carottes crues, disposés dans un verre avec une soucoupe de fromage blanc et une pincée de persil. Mais moi je vis ça comme une insulte. J'ai toujours envie de dire à l'autre, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Je vaux même pas une vinaigrette et une râpe à carottes. Pourtant, en jeu vidéo, paradoxalement, j'adore me promener dans la nature, bivouaquer, admirer la beauté de l'environnement. Et c'est pour cela précisément que je sais que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Parce que des jeux tels que Zelda n'ont jamais fait de moi un randonneur. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Mais attendez, peut-être que vous n'avez jamais joué à Animal Crossing? Si jamais c'est le cas, prenons quelques instants pour vous en présenter les grandes lignes. Si je vous dis qu'il existe une franchise de jeux vidéo sans boss de fin de niveau, sans histoire ou sans ennemis à combattre, où le seul objectif n'est autre que de prendre son temps, ramasser du bois, cultiver son jardin ou construire sa maison, vous vous demanderez sûrement si ce jeu a un avenir. Et pourtant, depuis 2001, Animal Crossing, sorti sur la console Nintendo 64, est un des plus gros succès de l'entreprise. Les 4 premiers épisodes cumulent plus de 23 millions d'exemplaires vendus au monde. Et le dernier épisode a été le jeu vidéo le plus vendu, on imagine pourquoi, du confinement. Pour revenir sur cet ovni vidéoludique auquel tout le monde, je dis bien tout le monde peut jouer, j'ai avec moi Camille Suard, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravi que vous soyez avec nous, vous êtes journaliste pour jeuxvideo.com. Oui. Avec nous également Lucille Malarger, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes rédactrice pour le site de jeux vidéo Gamekult et êtes spécialisée en jeux Nintendo. Exactement, oui, apparemment, c'est ce que je dois faire. Hein. Maintenant que mon chef est rédac-chef, il n'y a plus le temps de jouer aux jeux Nintendo, donc c'est pour moi. Avec nous également Justine Villemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes programmeuse dans un studio de jeux vidéo et joueuse régulière d'Animal Crossing New Horizons. C'est exact. Et enfin, mon comparse vidéoludique, Olivier Béniz, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter et on vous retrouvera à la rentrée avec votre chronique La Faute aux jeux vidéo tous les mardis matins dans le 5-7. C'est exactement ça. Ensemble, on va revenir sur l'histoire de cette franchise, ses mécaniques de jeu, son intérêt. On tentera de comprendre comment elle s'est constituée une base de fans aussi fidèle, comment ces derniers se sont appropriés cette idée nouvelle du tourisme sans bouger de chez soi. Qu'est-ce que ce jeu dit de nous et de notre époque ? Dom Nook, le tanuki, espiègle, mascotte du jeu, est-il un ignoble capitaliste ou un des derniers défenseurs du partage des richesses ? En gros, dites-moi comment vous jouez à Animal Crossing, je vous dirai qui vous êtes. Ah, la richesse des dialogues d'Animal Crossing. Olivier Bénis, expliquez-moi. Voilà, je ne sais absolument pas ce qu'est Animal Crossing. Comment vous me décririez ce jeu ? Alors, j'ai du mal à vous croire déjà, Frédéric, mais je peux vous le décrire quand même. Animal Crossing, c'est un jeu dans lequel vous jouez vous-même, en fait. C'est que vous avez un petit avatar virtuel et vous débarquez, alors au choix, dans une petite ville ou, dans le dernier épisode, sur une île sur lequel vous allez croiser plein d'animaux anthropomorphes qui sont aussi sous forme toute mignonne comme vous et dont l'objectif dans la vie... Arrêtez, Olivier, un peu comme le vôtre. Comme vous, globalement. Je sais, ah, OK. Dans l'objectif dans la vie, en fait, est de un peu se la couler douce et puis de construire sa maison et puis d'adapter son île ou sa ville aux différentes nouvelles possibilités, ouvrir un magasin, découvrir des possibilités pour nager, pour couper des arbres, construire des choses. Enfin voilà, c'est une sorte de bac à sable, en fait. C'est une ZAD. Très améliorée. Voilà, c'est une ZAD en plus mignon, avec moins de gens tatoués, moins de djembé surtout. Ah, on va avoir des mails. Enfin, non, ils vont pas utiliser Internet, mais on va recevoir des lettres manuscrites. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est que c'est vraiment essayer de s'extirper du monde, soit du monde réel et de sa grisaille, soit du monde en général des jeux vidéo, qui souvent est un peu plus sombre, enfin c'est surtout ces dernières années, on est sur des choses beaucoup plus réalistes et tout, et Nintendo a vraiment fait le pari inverse en fait avec Animal Crossing, en se disant on veut que les gens s'évadent dans un univers tout mignon, tout coloré, où absolument rien, jamais, nulle part ne pourra vous menacer, ne pourra être considéré comme quelque chose de dangereux ou d'agressif. Camille Suard, avec quel épisode êtes-vous tombée dans l'univers d'Animal Crossing, et pourquoi surtout ? Alors moi, c'était celui sur DS. La console portable de Nintendo. Exactement. En fait, le jeu, il a d'abord été que japonais. Il est sorti sur Nintendo 64 et il a été ensuite porté sur GameCube et il a pu enfin arriver chez nous. Il faut savoir qu'au départ, c'est quand même une licence très très confidentielle. Et qui a su rassembler pas mal de joueurs au fur et à mesure des épisodes. Et celui qui a vraiment été un tournant, c'est le dernier qui est sorti sur Nintendo 3DS, sur la console portable de Nintendo. C'était New Leaf. Ensuite, ils ont même fait des spin-offs, un sur smartphone et aussi celui pour la maison du design, c'était ça. Ouais, c'est assez dingue, des spin-offs. Ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, on va dire qu'il était très attendu, celui-ci. Et que le confinement a aussi beaucoup amélioré les choses. Lucille, est-ce que justement on explique le succès d'Animal Crossing uniquement par le confinement ou tout simplement parce que ça connecte les joueurs à quelque chose, peut-être une sorte de paradis perdu de la nature, comme ça, où on a le temps, où on peut regarder un coucher de soleil sans avoir des piqûres d'insectes. Il faut les chercher dans Animal Crossing, ouais, les piqûres. Mais sinon, si on reste tranquillement à regarder le paysage, ils ne nous attaquent pas en général. Alors en fait, en plus du du confinement qui forcément a joué pour avoir envie de s'évader et sortir loin de son petit appart parisien. Animal Crossing, en fait, il faut savoir que c'est, du coup, ça existe depuis 20 ans et c'est une des licences très très fortes de la marque Nintendo. En fait, au Japon, c'est aussi fort qu'un Mario ou un Zelda. Tom Nook, c'est une des mascottes de chez Nintendo et chaque épisode est extrêmement attendu, notamment si on regarde les chiffres de vente. Tous les épisodes portables, celui sur DS notamment, celui sur 3DS, sont des hits absolus, à plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Et de nouveau, on est en fait le parfait exemple parce qu'il est mi-portable, mi-console de salon. Donc on peut aussi bien y jouer tout seul qu'y jouer avec ses amis ou sa famille autour de soi. Mais voilà, c'est toujours un rendez-vous en fait de la part de la communauté des joueurs. Un nouvel Animal Crossing, c'est un rendez-vous en fait incontournable. Au-delà de... Là, cette année, il est tombé pendant le confinement, c'était presque un heureux hasard. Mais normalement, tous les épisodes d'Animal Crossing sont très très très attendus. D'ailleurs, les personnages sont tellement cultes qu'on peut les retrouver dans le jeu de combat Super Smash Bros. Dans lequel, voilà, on peut avoir Snake ou Ryu de Street Fighter qui combat Tom Nook ou Marie. Ou des fois même un villageois, voilà, avec une petite casquette et son filet à papillon. C'est le monde merveilleux de Nintendo où on peut envoyer des boules de feu sur un petit enfant avec un... Faites attention à Marie dans Smash, elle est redoutable. Elle est redoutable, c'est vrai. Alors, Justine Villemot, comment avez-vous rencontré Animal Crossing ? Alors, moi, c'est très récemment, puisque c'est du coup surtout avec l'opus sur Switch, donc New Horizon. Et le confinement, effectivement. Mais c'était quand même avant, disons, que les bandes annonces qu'il y avait eu m'ont donné beaucoup envie de jouer au jeu. L'aspect craft, je crois, il me semble, a été ajouté avec cet opus et c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie de... Alors, il faut préciser pour les auditeurs l'aspect craft, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer son équipement, sa pelle, sa pioche, créer aussi des objets qu'on va pouvoir ensuite revendre, on va en parler un peu plus loin dans l'émission. C'est tout cet aspect-là de façonner son environnement. Oui, voilà, et c'est exactement ce qui m'a donné envie. C'est vraiment l'aspect de la bande-annonce qui m'a donné envie plus... Le calme, je dirais, qui se dégageait beaucoup de la première bande-annonce où on était dans sa tente sur une île avec plein de mauvaises herbes, plein de petites bestioles et tout. Et Olivier Bénis, d'où vient l'idée initiale du jeu ? C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout pour le coup, mais... Ah, il y a Lucille qui lève le doigt. Allez-y, lève Lucille. Oui, j'ai bien révisé. En fait, l'idée à la base d'Animal Crossing, c'est... en fait, ça a été créé par deux personnes dont j'ai son nom sous les yeux parce que j'ai pas envie de décorcher. Katsuya Eguchi, qui, en fait, en arrivant à Kyoto, est parti du coup loin de sa famille, loin de ses amis. Et bah, ça lui a créé un sentiment de solitude, un sentiment du mal du pays. Et en fait, de cette idée-là, il a voulu créer un jeu dans lequel on retrouverait ce sentiment parce que le personnage dans Animal Crossing, dès le premier épisode, en fait, il est loin de sa famille, il échange des lettres avec sa maman. La maman dans Animal Crossing est un personnage fictif et virtuel dans le jeu lui-même qui lui envoie des lettres pour garder ce lien, mais à part ça, on se recrée sa vie à zéro et c'est sa propre histoire quand il est arrivé, quand il est parti de sa famille. Mais qu'il a dû trouver un travail, qu'il a dû meubler son appartement et c'est cette solitude extrême qu'il a voulu retranscrire via le jeu. Exactement, oui. Du coup, alors c'est un jeu qui a pris un tournant avec ses modes en ligne, comme c'est le cas aujourd'hui, mais à la base, c'était un jeu vraiment solitaire et qui était fait pour vivre et trouver un bien-être dans cette solitude. Alors on va continuer de parler d'Animal Crossing, mais pour le moment, on va poursuivre notre purification mentale en écoutant Bob Dylan avec Man Gives Names to All Animals. Long time ago, it's all. chewing up so much grass until it was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time. He saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. C'était Bob Dylan avec Man Gave Names to All Animals. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et on parle d'Animal Crossing avec la journaliste Camille Suard, la rédactrice Lucille Malarger, la programmeuse Justine Vimo et le journaliste Olivier Bénis. Olivier Bénis, j'ai lu que Katsuya Eguchi avait aussi opté pour ce système d'alternance jour-nuit parce que ça lui permettait d'avoir de rester en contact avec son fils qu'il ne voyait jamais la journée parce que lui travaillait énormément. Donc ça permettait à son fils de jouer la journée et lui récupérer le personnage le soir et jouer l'aventure d'Animal Crossing la nuit pour avoir un lien avec lui. Est-ce que vous êtes aussi de cette école qui partage son temps de jeu et son île avec quelqu'un ? Alors oui, parce que la version Switch a introduit quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que jusqu'ici, on jouait, il y avait une seule partie par console, en gros, donc on jouait un seul personnage. Pas forcément, on me dit. Non, bon, en tout cas, on avait chacun son île et tout ça. Sur la version Switch, il y a une île commune qui est obligatoire, une île par console, et sur cette île, on peut avoir différents personnages qui se succèdent. Ce qui est super intéressant, plus globalement dans la série Animal Crossing, c'est que justement, ça joue beaucoup sur cette idée d'un univers persistant. C'est quelque chose, c'est un univers et c'est un monde qui existe et qui vit presque, même quand vous n'y êtes pas ou quand quelqu'un d'autre y est. Et donc, il va se passer des choses pendant que vous ne jouez pas, soit avec les personnages imaginaires du jeu, soit avec d'autres gens qui vont jouer sur votre partie. Et quand vous reviendrez, peut-être que votre île ne sera pas tout à fait la même, qu'il y aura des évolutions. Quelqu'un aura construit une route, un muret, quelque chose comme ça, ou la maison aura changé. Voilà. Et c'est ça qui est pas mal du tout et qui, je pense, pense, beaucoup fait pendant la période de confinement pour le succès du jeu, c'est qu'il y avait vraiment ce côté de, on pouvait partager quelque chose, soit avec des gens à distance qui pouvaient venir sur l'île via Internet, soit avec les gens qui étaient même sous votre toit et que vous voyez pas forcément autant de temps. Je sais, quand on a par exemple des horaires décalés, qu'une personne travaille la nuit ou à la journée, bah voilà, des fois on peut presque communiquer ou en tout cas se laisser des petits cadeaux, des petites surprises, des petites choses à découvrir dans l'île. Et c'est ça aussi, enfin c'est une des choses qui rend le jeu hyper attachant. Justine Villemot, est-ce que vous partagez votre île ? Alors non. T'es sûre de la c'est réponse. Mon île. Et donc comment ça se manifeste ? Vous avez coupé les routes ? Non, pas du tout. En fait, c'est juste que du coup, je vis juste avec mon copain, donc on est seulement deux et on a chacun notre version du jeu et chacun notre Switch, donc on n'avait pas besoin de, disons, de partager, entre guillemets. Et est-ce que vous vous rencontrez quand même de temps en temps ? Oui, bien sûr, ça nous arrive de jouer ensemble, surtout quand il y a les événements de tournois de pêche et de tournois d'insectes, puisque donc jouer à plusieurs rapporte plus de points et donc plus de bonus dans ces événements-là, donc on le fait souvent ensemble. Camille Suard, est-ce que vous êtes une touriste d'Animal Crossing ou est-ce que vous préférez rester chez vous de manière sédentaire, cultiver votre jardin, vos plantations, vos fleurs ? Un petit peu des deux, mais j'avoue que pendant le confinement, ça a été l'occasion d'aller se faire des apéritifs à distance avec les amis. Mais sinon, j'aime bien toucher un peu à tout, quoi. J'ai eu la période fleurs, j'ai eu la période à fabriquer plein d'objets, les décorer, les personnaliser. Et c'est ça qui est bien dans ce nouvel Animal Crossing, c'est que on a des petits objectifs et on a des nouvelles actions, comme on le disait tout à l'heure, de crafter, c'est-à-dire récupérer des ressources pour construire des objets. On peut même modifier le terrain de l'île. Et toutes ces petites choses qui sont arrivées ont donné un petit peu de sens un peu plus à Animal Crossing, qui à la base est plutôt un jeu sandbox où c'est plutôt la créativité et la curiosité. Alors, sandbox, c'est bac à sable, c'est-à-dire un monde ouvert dans lequel on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Et là, du coup, on a des objectifs et c'est plus trop la curiosité qui est récompensée. Ce qui veut dire que pas mal d'autres joueurs un peu plus grand public ont pu s'intéresser à ce jeu. Et quand on parle de cultiver son environnement, ça atteint même des proportions délirantes, parce que on peut retrouver du minerai, des pépites dans des rochers, on peut soit prendre une graine ou une pomme qu'on va replanter ailleurs et il faut attendre un petit peu pour que le pommier pousse, mais en même temps on peut aussi déraciner un arbre pour le replanter tel quel parce que ça rentre dans le sac à dos du petit villageois. Enfin, y a quand même une dimension au bout d'un moment sur un gameplay assez simple. Au bout d'un moment, ça peut devenir assez technique en termes de gestion de tout, non, Lucille ? Oui, il y a beaucoup de choses. L'unique chose qui manque, en fait, ça serait du coup la gestion des aliments. Il n'y a pas de principe de cuisine dans Animal Crossing, mais surtout le reste. Oui, il y a effectivement beaucoup de fruits. Il y en a 6 à récupérer et du coup, on est un peu obligé soit de visiter des îles mystères, donc des îles au hasard, soit de demander à ses amis, est-ce que tu peux m'envoyer des cerises ? Moi, j'ai des pêches, je peux te les échanger, ou ce genre de choses. Et après, il y a l'immense question de la gestion des fleurs, où il y a 7 ou 8 types de fleurs différentes, à chaque fois de 6 ou 7 couleurs, et du coup ça part sur littéralement des champs de fleurs immenses à devoir gérer, qui du coup, comme les arbres prennent plusieurs jours, d'abord c'est juste des petites feuilles, après on commence à avoir une pousse, après on a juste le bouton, puis après c'est vraiment la fleur qui a germé. Et c'est vraiment en temps réel en plus. Et c'est en temps réel, oui, enfin il ne faut pas 4 jours un véritable arbre pour pousser. Mais c'est la question de la gestion du temps, et qui est très très importante dans Animal Crossing, et notamment sur la gestion de l'environnement et des éléments naturels. Ouais. Et il y a aussi une galerie de personnages dont on n'a pas encore parlé, mais qui existe depuis les premiers épisodes. Et Marie, Tom Nook, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette galerie de personnages qui ont tous l'air d'avoir une vie très très riche, très dense, qui est fleurée dans Animal Crossing, mais ils ont l'air très affairés, ces gens-là. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Il faut savoir qu'il y a environ 380 villageois aujourd'hui. C'est quasiment comme les Pokémon. Hein. On peut les collectionner, on peut décider de n'avoir que des écureuils sur son île, ou que des petits loups, ou que des rhinocéros. Et après, il y a des personnages, ceux qu'on va dire des personnages un petit peu plus importants. Il va y avoir par exemple les sœurs, les deux petits hérissons, Layette et Cousette, qui sont là pour vendre des vêtements. On va avoir Thibaut, le conservateur du musée, avec sa sœur Céleste, qui a elle s'occupe de nous apprendre à regarder des étoiles et apprendre du coup à récupérer des objets spéciaux par rapport à ça. Et quand il y a des étoiles filantes, quand il y a des étoiles filantes, appuyer sur A pour faire un vœu au moment où elle passe et le lendemain matin récupérer des morceaux d'étoiles qui permettront de confectionner d'autres. Et elle nous apprend à confectionner des meubles spéciaux en rapport avec les étoiles filantes, ouais. Et c'est beaucoup de personnages très très hauts en colère, très différents. Je pense notamment aussi à Tortimer qui n'apparaît toujours pas. Il est toujours pas apparu dans le dernier épisode, mais qui c'est une vieille tortue. C'est vraiment l'image de la vieille tortue très populaire en plus au Japon, qui nous apprend plein d'histoires, qui est très aventurier, ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que les gens s'y attachent. Monsieur Rezetti, y a Monsieur Rezetti, alors lui qui pareil a un petit peu disparu de cet épisode là, mais qui faisait peur aux enfants. Exactement. Parce qu'il grondait les enfants si jamais ils arrêtaient l'épisode sans sauvegarder. Dans les premiers épisodes, exactement, oui. Et du coup, ça faisait apparemment, il y a plein d'enfants qui ont pleuré et qui ont eu très très peur de Monsieur Rezetti. Alors que pourtant, c'est du bon sens. Il y a Monsieur Rounard aussi, il ne faut pas l'oublier. Rounard qui s'invente en galeriste d'œuvres d'art et qui, de temps en temps, essaye de nous faire acheter quelques toiles ou quelques statues. Sauf qu'on ne sait jamais si c'est du vrai ou du flan. Et du coup, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Et ça fait plaisir à revoir parce que bon, on peut compléter maintenant une nouvelle pièce du musée qui conserve toutes les œuvres d'art. Je rebondis aussi sur les personnages pour dire qu'il y a quelque chose qui paraîtra très bizarre aux gens qui n'ont jamais joué à Animal Crossing, qui connaissent seulement visuellement et qui se disent « ouais, ça a l'air très mignon, voire peut-être un peu niais », mais il y a une vraie qualité d'écriture dans Animal Crossing, c'est-à-dire que tous les dialogues, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, il y a énormément de jeux aussi. De mots, les traductions françaises sont très bien réalisées, il y a plein de choses, et ce qui fait que chaque personnage, même si on ne le voyait pas sa tête à l'écran, parfois rien qu'en lisant la manière dont il s'exprime, on peut deviner que là c'est Tom Nook, là c'est Rona, il y a des choses comme ça. Et c'est vraiment très très malin en fait dans l'écriture. 01 56 40 30 20. Non, ça n'est pas le numéro du téléphone sonne, c'est le numéro du répondeur de Blockbuster. Hein. Donc pour une fois, on ne parle pas de mesures politiques avec laquelle on n'est pas d'accord, de politiciens qui nous scandalisent, on parle d'Animal Crossing. Quoi qu'on peut aussi parler de Tom Nook dans Animal Crossing. Allez-y, c'est votre répondeur. Dans un monde bien fait, hein, dans un monde bien fait par France Inter bien entendu, je pense que là tout de suite maintenant, ce serait pile poil le moment d'écouter un morceau de la playlist. On écoute Louis Chédid, Chasseur de papillons. Comme un chasseur de papillons, je cours derrière les émotions, en allant le plus loin possible, sur les chemins de l'invisible, là où le cœur bat la mesure, l'air devient de plus en plus pur. Une impression d'apesanteur qui remet les pendules à l'heure. Et quand la chasse a été bonne, j'en fais profiter des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Et pourtant comme on se comprend. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter, danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir chasser les papillons, partir chasser les papillons. L'humanité, quel terrain de jeu pour l'inspiration qui dit mieux. Des histoires à n'en plus finir et des notes pour se faire plaisir. Tous les jours je pars en vadrouille et même quand je reviens bredouille, je me dis attends que la muse te rappelle, le jeu en vaut bien la chandelle. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter et danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir chasser les papillons, partir chasser les papillons. les papillons. Partir, chasser les papillons. Chasser les papillons, Louis Chédid. Et on applaudit toujours Céline Hila à la réalisation, accompagnée aujourd'hui par le non moins admirable à la technique, Guillaume Roux. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Alors, Animal Crossing est un gros succès, mais même parmi les joueurs et les joueuses, il y a des trucs dans le jeu, des fois, ils aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je m'appelle Zélie et j'ai 7 ans. Ce que j'aime bien dans Animal Crossing, c'est que, eh ben, on peut obtenir des petites clochettes seulement en passant du bon temps sur l'île. Ce que j'aime moins, par contre, c'est que Tom Klook, il me donne des ordres, mais il fait rien. Tom Klook, c'est celui qui dirige l'île. Mais bon, quand même, il est un peu énervant. Hein. Je sais qu'il s'appelle Tom Nook, mais moi, je préfère l'appeler Tom Klook, vu que ça fait la fusion de cloche et Nook. Je me sers plus du filet et de la canne à pêche que la hache, parce que la dernière fois, quand j'avais tapé dans un arbre, j'avais pas trop aimé ça, vu qu'il y avait un nid de guêpes et les guêpes m'ont piqué de partout. J'ai pas trop aimé ça. Hein. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Oh, je sais pas qui est cet enfant, mais ses parents ont vraiment, vraiment de la chance. Hein. Alors, on a entendu dans ce mignon tout petit troll la figure de Tom Nook. J'ai lu chez certains confrères qui dans la presse vidéoludique que Tom Nook était considéré comme un des méchants les plus réussis du monde du jeu vidéo. Donc, tranchons tout de suite cette question. Est-ce que Tom Nook est un vilain ? Est-ce qu'on a une heure devant nous ? Olivier Bénis. moi, je vais commencer par l'avis impopulaire. C'est, je pense qu'il alors est d'abord, qui est Tom Nook ? Alors, Tom Nook, c'est un tanuki, donc c'est une sorte de raton laveur, pour faire vraiment très très large, qui est une figure mythologique très connue au Japon, et qui est un peu à la fois votre patron, votre banque, l'État, les impôts et tout ça. C'est-à-dire que c'est lui qui supervise un petit peu tout ce qui se passe sur l'île, qui va vous dire, tiens, on devrait installer ça, on devrait faire ça, qui va vous donner beaucoup d'ordres, effectivement, au début. Après, il va être un petit peu plus coulant et être plus sympa avec vous. Et surtout, qui prend votre argent. C'est-à-dire qu'il vous dit, il faudrait qu'on construise ça, j'aurais besoin de tant de clochettes, les clochettes étant la monnaie du jeu. Et voilà. Et on est dans une espèce de cercle infini. C'est-à-dire que quand on veut construire une maison, il faut contracter un prêt auprès de Tom Nook. Il faut ensuite le rembourser, qui est de plus en plus élevé au fur et à mesure, malgré le fait que les pièces semblent de plus en plus petites. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'inflation, j'imagine. Mais voilà. Et donc, il vous demande de l'argent de plus en plus pour améliorer votre maison et votre île. Et Tom Nook a donc cette figure un peu de méchant parce que c'est lui qui cadre le jeu. C'est que c'est un jeu où on aurait envie d'être totalement libre et de faire plein de choses et d'être libéré du pouvoir de l'argent. Et Tom Nook nous ramène un petit peu toujours sur des choses très terre à terre. Mais lui, il est resté dans le monde d'avant. Voilà. Mais quand on regarde bien, Tom Nook, cet argent, il vous le prête sans intérêt. Il vous donne quasiment les moyens d'accomplir vos rêves. C'est un prêt à taux zéro, c'est vrai. C'est un prêt à taux zéro. Et cet argent, a priori, il ne l'utilise pas pour sa fortune personnelle, puisqu'il vit toujours dans la même tente plus ou moins grande depuis le début, et qu'a priori, il semble même plutôt tout réinvestir pour le bien de la communauté, en fabriquant des magasins, des boutiques. Camille Suard n'est pas d'accord. Il a quand même évolué au fil des épisodes, parce que si on regarde le premier épisode où il est nu sous un tablier, un petit peu un bleu de travail, là maintenant, il a quand même sa petite chemise, son petit polo. Moi, je pense qu'il a plutôt bien progressé. Mais il était très menaçant d'ailleurs au début. C'était limite, je vais détruire tes rotules si tu ne me donnes pas des clochettes. Enfin, il nous courait après même, ouais, au début. Oui, je pense qu'en fait, il a commencé comme mafieux. Ouais. Et maintenant qu'il a une bonne situation, il peut se permettre de déléguer. Il a acquis une respectabilité. C'est peut-être un éléphant qui va venir vous péter les rotules. C'est plus Tom Nook directement. C'est pour ça qu'il est devenu respectable, Olivier Bénis. Vous ne faites pas avoir. Ouais, non, peut-être que je me fais avoir par l'image, par la communication. Lucie Malarger, que pensez de Tom Nook donc? Ah, moi, Tom Nook, je trouve qu'il est très attachant, d'autant plus que maintenant, il est accompagné de ses deux petits neveux, Mélie et Mélo, qui sont juste des Tom Nook miniatures à la voix encore plus aiguë que lui. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est sympathique. Et effectivement, trouvez-moi un banquier qui vous fait un prêt à taux zéro, ça n'existe pas. Et là où je m'étais un peu attachée à lui, où je le trouvais très utile, c'est dans, du coup, l'épisode 3DS New Leaf, où là, cette fois, il n'avait pas la figure de mère ou quoi que ce soit, puisque c'est le joueur qui est le maire qui décide de ce qui se passe pour la ville. Tom Nook, lui, c'était plutôt l'agent immobilier auprès de qui on pouvait aller modifier sa maison. On pouvait aller modifier sa boîte aux lettres, modifier la couleur du toit de sa maison, des façades. Et l'aspect personnalisation étant très important dans Animal Crossing, la maison en premier lieu, puisque c'est un peu, voilà, c'est là où on va réinvestir nos clochettes. Je trouvais que là, il avait vraiment un intérêt à part, plutôt que d'être cette figure méchante. Il a été dans le côté décoration et c'était quelque chose de nouveau pour lui. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de banques où on vous applaudit quand vous remboursez votre prêt. C'est vrai. Voilà, faut mais noter. C'est parce qu'on le rembourse rarement. Ça, c'est votre problème, Frédéric. C'est pour ça, en fait, ça n'est jamais arrivé. Je suis sûr que le jour où je vais le faire, mon banquier va m'applaudir. Oh, vraiment, bravo, monsieur Sigrid. Et en plus, il n'y a pas de deadline. C'est vrai, c'est vrai. Justine Villemot, vous qui avez donc découvert Animal Crossing avec Horizon, le dernier opus sorti, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces personnages et notamment de la figure de Tom Nook ? J'ai trouvé tous les personnages du jeu très attachants, même Tom Nook, je suis plutôt d'accord avec Lucille, parce que moi j'ai pas forcément eu l'impression qu'il me donnait des ordres. Je pense que d'avoir l'habitude de jouer à plein d'autres jeux, j'ai plus eu l'impression qu'il me guidait au début et qu'après, comme ça, je savais comment faire pour pouvoir faire un peu comme j'avais envie. Même s'il y a eu quand même le petit moment frustrant où je dois payer pour poser des parcelles pour que d'autres personnes puissent venir habiter sur l'île. Non, les autres personnes ne peuvent pas donner des clochettes. Bon, c'est pas grave. Mais, mais à part ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt... bien amené pour vraiment expliquer comment faire les choses. Quand ils demandent de construire un pont, en fait, c'est juste parce qu'après, on va pouvoir débloquer ça et pouvoir en construire partout sur l'île où on a envie, etc. Donc, c'est... Mais je me suis demandé, en y jouant, si c'était pas une forme d'enseignement, de pédagogie un peu light du droit à la propriété, de la collectivité... De la redistribution. Il y a de ça quand même. Il y a un petit peu de ça, ouais. Je pense que je sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si c'est les joueurs qui projettent ça en fait pour le comparer au monde réel. Mais oui, Tom Nook a un côté. Enfin, je disais c'est un peu l'état, mais c'est un peu ça, oui, avec le côté, avec les côtés un peu sombres et les côtés un peu plus clairs. Et donc il y a effectivement ce côté. C'est vous qui donnez de l'argent pour que d'autres villageois viennent s'installer. Des clochettes. Et c'est des clochettes que vous avez gagnées à la sueur de votre front. Mais dans un sens, vous les gagnez à la sueur de votre front. Et plutôt que de les épargner, autant en faire bénéficier des gens qui voudraient s'installer chez vous. Ah, c'est le ruissellement. C'est ça. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est arrivé, notamment avec Horizon, qui existait déjà peut-être, vous confirmez ou affirmez, avant, mais c'est la spéculation. Parce que les joueurs amènent aussi énormément de ce qu'ils sont dans le jeu. C'est un peu une sorte de test de Rorschach, c'est-à-dire que dis-moi comment tu joues, je te dirai qui tu es. Et c'est vrai qu'ils ont amené une sorte de spéculation sur les navets, sur les tarentules. Comment vous avez perçu ça, vous, sur ce dernier opus? Alors moi, les navets, personnellement, c'est une fonctionnalité que j'utilise très, très, très peu. Tout simplement parce que j'ai pas de chance. Et moi, dans mon magasin, on me rachète les navets toujours moins cher que ce que je les avais achetés, moi, à la base de dimanche midi. Donc, je suis extrêmement frustrée. Ah, vous êtes dans la situation de l'agriculteur face à la grande distribution. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose... J'ai essayé de m'y mettre et c'est très impressionnant ce que les joueurs mettent en place, c'est-à-dire sur Internet, des sites où on peut se connecter dessus, dire, moi, aujourd'hui, mes navets, c'est à 500 clochettes, venez chez moi, et réclamer en retour d'autres récompenses, donnez-moi tel villageois, donnez-moi tel meuble, donnez-moi telle ressource. Et c'est vraiment une économie parallèle qui s'est formée, qui n'est pas prévue à la base dans Animal Crossing. C'est simplement, on échange des navets contre de l'argent, d'accord? Les joueurs ont vraiment dépassé le jeu, ils sont allés peut-être encore plus loin que ce que les développeurs prévoyaient à la base pour développer quelque chose. Et ça, c'est visible dans tous les aspects du jeu, en fait. Dans la décoration, dans l'aménagement de l'île, pas que dans la spéculation monétaire, quoi. C'est vraiment partout, les joueurs dans Animal Crossing vont très très loin. Alors, vous venez de le dire, Lucille, les joueurs vont très très loin. Et est-ce que ça a été bien vécu par la communauté old school de Animal Crossing? C'est arrivé un petit peu du capitalisme sauvage, on va spéculer des navets. Est-ce que le plaisir du jeu reste intact quand on a des gens comme ça qui arrivent, qui font monter des cours du navet juste parce que ils sont comme ça, quoi? Ah, mais je pense que ce sont eux, en fait, qui s'occupent de cette spéculation-là. Ce sont les joueurs les purs et durs, ceux qui connaissent Animal Crossing par cœur, ceux qui ont déjà fait le tour de tous les précédents opus. Il y en a 5 ou 6 maintenant au total. Ce sont eux qui sont les premiers à rentrer dans cette hyper collectionnite de finir le musée avant tout le monde, parce que du coup, voilà, c'est un jeu qui se joue en temps réel, vraiment calqué sur le calendrier, mais on peut tricher, modifier la date et l'heure de sa console pour aller chercher, maintenant qu'on est en juillet, aller chercher les récompenses du mois de décembre, par exemple, c'est possible. C'est les joueurs hardcore qui sont là depuis le début d'Animal Crossing, ils sont en première ligne dans ce genre de choses. Les joueurs, on va dire, un peu plus tranquilles, c'est plutôt la catégorie des joueurs occasionnels, en fait. Et c'est intéressant parce que en préparant cette émission, je lisais beaucoup de retours de joueurs sur Animal Crossing qui étaient vraiment, mais à fond. Il faut comprendre que en plein confinement, c'était le sujet sur certains réseaux sociaux. Vous en étiez ou vous n'en étiez pas. Hein. C'est-à-dire que Animal Crossing, c'était la folie. Et ça s'est calmé d'un coup. Et aujourd'hui, il y a même des joueurs qui disent parce qu'il y a toujours des mises à jour avec des feux d'artifice en bord de mer, etc. Et t'as plein de joueurs qui disent non, moi j'ai fait le tour, je peux pas y retourner. En fait, le truc, c'est qu'Animal Crossing, c'est un jeu qui est prévu pour être joué sur la durée. Jour après jour, saison après saison. Et en fait, là, tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi. Et du coup, tout le monde a joué des heures et des heures pendant une seule journée. Donc forcément, je pense que les joueurs ont progressé beaucoup trop vite et se sont peut-être aussi un petit peu dégoûtés de répéter toujours toutes ces tâches, même s'il y en avait beaucoup par rapport aux épisodes précédents. Mais je pense qu'il y avait un peu de ça, en fait. Je pense qu'il y a un phénomène aussi classique, un peu dans tous les épisodes d'Animal Crossing. Enfin, moi, ça m'avait fait ça beaucoup sur New Leaf, sur 3DS et tout. C'est quand on rentre vraiment dedans, il y a une forme, je dirais pas d'addiction, mais on a envie, en fait, toujours de découvrir les nouvelles choses parce que c'est comme un coffre à jouer gigantesque qu'on vient d'ouvrir. Et d'un seul coup, on a envie de tout sortir et de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a une sorte de plateau après, un petit peu comme pour le Covid. On arrive sur un plateau, puis sur une baisse de l'intérêt. Et on finit par y aller une fois par jour, puis une fois tous les trois jours, puis une fois par semaine, puis une fois par mois. Mais ce qui est fort avec le jeu, c'est que, comme disait Camille, il y a quelque chose sur la durée, en fait, qui est fait pour que l'intérêt soit sans cesse renouvelé et que du coup, même si on n'y va pas souvent, on a envie d'y retourner et on y retourne régulièrement. On y repense, en fait. C'est ça, surtout, ouais. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Trash Bandicoot et qui a recensé sur sa chaîne, je vous invite à aller la voir, des faits très étranges et effrayants dans l'univers d'Animal Crossing, parce que depuis le début, on présente ça comme un environnement féerique, avec des petits animaux très mignons. Mais il y a aussi des histoires assez effrayantes. Il y a notamment le village Aika. Voilà, avec des petites poupées diaboliques qui auraient fait disparaître les gens du village. Il y a aussi un côté obscur dans Animal Crossing. Oui. Oui, il y a un gros détournement. Donc déjà, on peut créer des modèles en fait qu'on va pouvoir mettre par terre ou sur des t-shirts. Donc du coup, on peut se recréer une déco qui peut partir dans tous les sens. Donc voilà, des poupées sanglantes par exemple, ça peut arriver. Donc on a ça et on peut aussi terroriser en fait ses voisins. On n'est pas obligé de créer vraiment une île paradisiaque. Alors, on peut les enfermer. Comment vous faites pour terroriser les voisins ? Par exemple, on peut les emmener quelque part et puis faire une clôture tout autour d'eux pour qu'ils ne puissent plus partir. Par exemple, on peut leur donner des coups de filet à papier. On peut, en fait, il y a plein de choses. Vous dites ça avec un sourire. J'ai vu ce même sourire quand on a parlé des Sims. et voilà, et c'était le même schéma, hein, le même schéma, une sorte de joie. Oui, on peut leur faire ça. Et j'ai l'impression que vous l'avez déjà testé. Non, pas du tout. Mais parce que comme dans tout jeu un peu bac à sable où on peut faire ce qu'on veut, en fait, le jeu est à l'image du joueur. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est que vraiment, quelqu'un qui aurait envie de le détourner pour en faire quelque chose de parfaitement horrible peut le faire. C'est quand même très limité au niveau des choses horribles parce que ça reste Nintendo. Il y a quand même des barrières de sécurité, on va dire. Mais le jeu est vraiment à l'image des joueurs. Et ça se voit aussi dans la manière dont les gens jouent. Comme on disait, il y a des gens qui vont être très hardcore gamers, qui vont vouloir à tout prix obtenir toutes les fleurs, toutes les plantes, les choses comme ça. Mais c'est pas obligatoire. On peut très bien aussi juste jouer sans jamais avoir autre chose que le tout premier fruit que vous avez eu au tout début du jeu, sans avoir collectionné quoi que ce soit, et avoir le même plaisir de jeu. C'est vraiment... ça s'adresse vraiment à des publics extrêmement divers. Je me demande même si c'est pas le jeu qui s'adresse au type de public chez les joueurs les plus différents. Oui, parce qu'on l'a pas suffisamment dit, mais il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent à ce jeu, mais aussi en termes d'âge. Il y a des personnes âgées qui adorent jouer à Animal Crossing aussi, parce que ça marche au Japon aussi bien qu'aux États-Unis. Enfin, c'est quand même. Il y a une grand-mère qui avait fait tellement d'heures de jeu du précédent que on lui a décerné un personnage en fait dans le nouvel épisode qui a son nom. Donc du coup, c'est assez marrant, ouais, de voir que ça peut toucher même les personnes âgées, les enfants, les hardcore gamers comme les plus. Et qu'est-ce que vous, vraiment là, c'est une question assez personnelle. Hein, donc si jamais vous ne voulez pas y répondre, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie de tous les jours? Parce que j'ai vraiment l'impression que il y a une forme de plénitude. Dans chez les joueurs de Animal Crossing. Ouais, une certaine sérénité et aussi un calendrier, un rendez-vous en fait. Et je trouve que pendant le confinement, on était un petit peu perdu avec les jours, les heures. Ça permettait d'avoir un cadre en fait où on savait ce qu'on allait retrouver à telle heure ou ce genre de choses. Et ça a fait beaucoup de bien en fait. Justine ? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi, je me souviens particulièrement pendant le confinement que le soir, je passais beaucoup de temps sur ma console à juste faire le tour de mon île pour pêcher les poissons. Et ça me détendait énormément de juste sillonner comme ça le bord de la plage, de jeter ma canne à pêche de temps en temps et de voir un peu ce qui remontait. C'était vraiment agréable. Moi, ça me permet de satisfaire ma maladie très très grave qui s'appelle la collectionnite. Il faut que je remplisse les objectifs à 100%. Et là, par exemple, sur les 4 sections du musée, j'ai déjà fini à 100% la section des fossiles, donc c'est-à-dire tous mes grands fossiles de dinosaures et de mammouths. Je suis actuellement en train de plancher sur des insectes et des poissons. Hein. J'en suis à plus de 3/4 de chaque espèce. Malheureusement, hein, la dernière partie, c'est les œuvres d'art de Rounard, dont on a parlé tout à l'heure, mais il vend tellement de contrefaçons que c'est compliqué de compléter le musée. Mais moi, j'ai ce vrai problème où il faut que j'arrive à terminer les choses à 100% et Animal Crossing, pour les gens comme moi, c'est un paradis. On arrive à la frontière de cette émission. Hein. Si je plisse les yeux, je vois le mag de l'été de l'autre côté. You, mag de l'été. Mais avant de jouer, on va écouter Asaf Avidan avec Lost Horse. It's too late and there's no cure, no sedating all this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet and silver food snake while I'm fleeing time. Surprised by memories speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly. The sundown father gods, we were born to fail. I want you to hold me perpendicularly. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. Bye. C'était Asaf Avidan avec Lost Horse et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Laetitia au téléphone. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a affaire à une fan d'Animal Crossing ? Alors, une fan, peut-être pas. Moi, j'ai commencé avec Let's Go to the City quand j'ai eu une Wii. Et j'ai donné un petit peu le virus à ma fille avec, avec toute la série des Animal Crossing. Donc, on joue ensemble. Ah, bah, c'est très très bien. Enfin, là, quand même, il y a du level. Hein. Ça a commencé tôt. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu ? Oui. Je pose une question. Vous avez 20 secondes pour y répondre. Mais si vous n'avez pas la réponse, ne paniquez pas. Vous pouvez utiliser un joker. En l'occurrence, demandez à quelqu'un autour de la table de répondre à votre place. C'est okay. Bon ? C'est parti. Première question. Quel personnage vient racketter le joueur à chaque fois qu'il pêche des pétoncles dans Animal Crossing New Horizons ? Oh. mince, je l'ai sur le bout de la langue. Je vois à quoi il ressemble, mais j'ai un trou de. Je vais vous aider un petit peu. J'ai demandé le joker tout de suite. Oh, j'ai trop la honte. Pas de souci. Alors, à qui on demande ? Lucille Malarger, Camille Suard, Olivier Bénis ou Justine Vimeau ? J'ai demandé à Justine. Justine. Bien, je crois que c'est Pascal. Eh bien, c'est Pascal Laloutre. Tout à fait. C'est Pascal Laloutre qui la ramène tout le temps dès qu'on pêche des pétoncles. Cette phrase est surréaliste. question suivante. Combien d'exemplaires du jeu Animal Crossing New Horizons se sont vendus à ce jour dans le monde ? Alors, c'est à choix multiple. Environ 12 millions d'exemplaires. Environ 13 millions d'exemplaires. Environ 23 millions d'exemplaires. 12, 13 ou 23 ? Je dirais, puisqu'au mois de mai, on était à 13 millions, est-ce qu'on a eu 10 millions de plus ? Non, restez au mois de mai. Alors, je vais dire 13 millions. Eh bien, vous faites bien, c'est une bonne réponse. Dernière question, il va falloir traduire ce que le personnage dit, là, le personnage que vous allez entendre. Alors, c'est assez simple, hein. Même moi qui, vraiment, j'ai fait du Animal Crossing langage, deuxième langue, je sais ce que ça veut dire. Là, c'est une bonne question, je n'en sais strictement rien. Ah, on fait appel à un joker ? Je sais pas, bonjour, bienvenue sur Animal Crossing. Non. On fait appel à un joker ? Oui, ben c'est parti, on va demander du coup à Lucille. Lucille, alors, est-ce que vous pouvez traduire ce qui a été dit ? Alors, c'est une citation très très très célèbre du cinéma français qui est prononcée à la voix. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est Mélie et Mélo, hein, les petits-neveux de Tom Nook. Et ça commence par « Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations ». Eh bien, tout à fait, c'est Émilie et Mélo qui récitait du Édouard Baird. Bien sûr que si. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, si c'est vrai, on dit que la vérité dans le jeu, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Bah super, merci beaucoup. Et est-ce que je peux juste passer un tout petit message ? Allez-y. Allez, je voudrais juste dire un gros merci à mon mari qui m'a fait découvrir cette émission avec le sujet de Conan, et depuis je suis fan, et je fais des gros bisous à mes petits éditeurs à la maison. Voilà. Eh ben moi je fais un gros bisou à votre mari pour vous avoir fait découvrir Blockbuster. Ah d'accord, il a entendu, il sourit. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. Alors, on s'approche tranquillement de la fin de cette émission, mais si jamais vous aviez un opus d'Animal Crossing à conseiller aux joueurs pour découvrir le jeu sans être écrasé par une tonne d'informations, lequel ça serait ? Camille ? Je sais pas. Vous faites drôlement bien l'amour. Hein. Ouais, hein. C'est dommage, on ne voit pas. Mais en fait, c'est assez contradictoire parce que New Horizon, il est très bien pour un grand public. Justement, ceux qui seraient perdus parce qu'il n'y aurait pas d'objectif. Comme là, ça a été implémenté, je dirais que c'est quand même le dernier, en fait, qui va aider le joueur à comprendre un peu le système du jeu. Lucille ? Moi, je pense que je conseillerais New Leaf sur 3DS, qui était assez équilibré avec des fonctions en ligne où on peut se faire aider, mais moins écrasant peut-être que sur New Horizons. Et qui, le fait que le joueur soit directement placé dès qu'il lance sa partie en tant que maire de la ville, il a une certaine responsabilité. Il est accompagné par Marie tout du long pour l'accompagner. C'est un personnage très mignon. Merci. Qui est là. Justine? Moi, je dois dire que je ne sais pas exactement quel opus conseiller. Je dirais le dernier parce que c'est celui auquel j'ai joué. C'est une bonne réponse, c'est une très bonne réponse. Olivier? Moi, je conseillerais de commencer par Stardew Valley, qui est un jeu très, très inspiré par Animal Crossing et qui est excellent aussi, mais qui est un peu plus complexe. D'accord. Merci à tous. Merci à Camille Suard, Lucille Malarger, Justine Vimeau et Olivier Bénis. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Ou en parler directement avec moi sur la page Facebook de l'émission. Et il y a évidemment Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et on se retrouve demain avec une émission consacrée aux plus grands comics books de tous les temps. Je parle bien sûr de la saga Watchmen.